2021, activation orale. Jamais, toujours, personne, tout le monde. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Elle se moque toujours de tout le monde. Et vous dites. Elle? Mais non. Elle ne se moque jamais de personne. Allons-y. 2. Tu te moques toujours de tout le monde. Moi? Mais non. Je ne me moque jamais de personne. 3. Vous vous moquez toujours de tout le monde, vous deux. Nous? Mais non, nous ne nous moquons jamais de personne. 4. Toi, tu connais tout le monde. Moi? Mais non, je ne connais personne. 5. Tu parles à tout le monde. Mais non, je ne parle à personne. 6. Eh si, tu parles toujours à tout le monde. Moi? Mais non, je ne parle jamais à personne.